À demain. L'été est là depuis la semaine dernière et avec l'été, la pause estivale nocturne en ville ou à la campagne, dans un transat ou dans l'herbe, les yeux rivés sur le ciel étoilé. L'astronomie amateur se développe chaque année un peu plus et il est aujourd'hui assez aisé d'observer les étoiles, soit avec son propre matériel, soit via des associations qui proposent des séances d'initiation tout au long des 2 mois de vacances et pas uniquement durant la nuit des étoiles au mois d'août. Alors comment bien regarder le ciel, avec qui, où, que chercher, comment faire de la science et aider les astronomes professionnels, on vous dit tout dans la méthode. Astronomie amateur, la tête dans les étoiles, c'est le sujet qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner dans ce voyage stellaire à portée de tous les yeux, nos deux guides du jour sont aujourd'hui Jean-Eudes Darlot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste et calcul des éphémérides. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Hérault à Montpellier avec Guillaume Cana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes observateur et photographe du ciel, auteur du Guide du ciel qui en est à sa 24e édition pour la période qui va de juin 2018 à juin 2019. C'est chez AMDS Éditions. Et également l'auteur du blog Autour du ciel, un blog qui est hébergé par nos camarades du Monde. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et eh bien en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc où on va poster un certain nombre d'images de ciel étoilé et puis de cartes du ciel pour vous aider à vous repérer. Alors peut-être pour commencer, une question toute simple, Guillaume Cana, c'est quoi ou c'est qui un bon astronome amateur ? Je dirais que c'est d'abord quelqu'un de curieux, de suffisamment curieux pour s'extraire de son rythme quotidien effréné et sortir, découvrir le ciel, s'éloigner un peu des villes parce qu'il y a maintenant un peu trop de lumière dans les villes pour observer vraiment le ciel. Mais on peut malgré tout voir la Lune, les planètes, des astres très brillants. Mais si on veut vraiment profiter du ciel noir avec la Voie lactée qu'il traverse, comme on peut le voir pendant les belles nuits d'été, il faut s'éloigner des villes et faire preuve de curiosité, donc lever la tête vers le ciel et découvrir petit à petit les étoiles, distinguer les étoiles des planètes, suivre les phases de la Lune, tout un tas de choses que on a un petit peu perdu dans nos rythmes quotidiens effrénés et que retrouver apporte un confort et une joie, une sérénité que l'on approuve vraiment jour après jour et nuit après nuit. Patience, curiosité, sérénité aussi pour vous, Jean-Yves Darlot. Alors, ce sont les vertus cardinales de l'astronome amateur. Alors, l'astronome amateur, pour moi, c'est un contemplatif. C'est quelqu'un qui regarde le ciel vraiment pour voir des choses spectaculaires, des belles choses que le commun des mortels ne voit pas. C'est vrai qu'on a dit qu'en ville, avec le ciel tel qu'on l'a maintenant, on voit plus grand-chose, on voit quelques étoiles. L'astronome amateur, lui, il sait que derrière cette purée de pois que nous avons au-dessus de la tête, il y a un ciel extraordinaire. Alors pour ça, il va se fabriquer des instruments, il va devenir un instrumentaliste pour essayer de voir le plus possible de choses, des choses les plus belles, prendre des photos par exemple. Autrefois on regardait à l'œil, on regarde toujours à l'œil, c'est toujours un plaisir de regarder à l'œil. Mais maintenant on prend des photos magnifiques, c'est vraiment... Et ça, l'astronome amateur, lui, c'est un contemplatif. Alors je ne dis pas que l'astronome professionnel n'est pas non plus un contemplatif, mais l'astronome professionnel, il va avoir... une obligation de résultat, d'arriver à quelque chose que l'astronome amateur, il est complètement libre. Il se promène dans le ciel. On reparlera tout à l'heure, hein, parce que c'est important ce que vous dites l'un et l'autre, d'apprendre à observer le ciel. Ça n'est pas que disposer matériel, de télescopes, de lunettes, ou d'avoir un background ou des connaissances scientifiques. C'est aussi apprendre à observer, à mieux regarder. On en reparlera tout à l'heure, mais j'aimerais vous demander simplement, peut-être aussi l'un et l'autre, comment est-ce que vous avez commencé à observer le ciel? Quels sont vos premiers souvenirs, vos premières images, vos premières expériences, Guillaume Cana? Alors, les premières expériences, c'est de l'observation. C'est déjà le plaisir d'être dehors la nuit, surtout quand on est jeune, quand on est adolescent et qu'on a l'autorisation de sortir pour, au lieu de rester à la maison enfermée, aller observer le ciel. Et ensuite, effectivement, quand on a accès à un petit instrument, de regarder la Lune, découvrir les cratères, exactement comme Galilée l'a fait il y a quelques siècles, on découvre ces cratères, on découvre cette boule tellement lumineuse à l'œil nu qu'on ne voit pas grand-chose, mais dès qu'on met un instrument vers la Lune, on voit des détails extraordinaires. Et puis, je crois que moi, ce qui a provoqué, qui a déclenché ma passion vraiment pour l'observation, c'est Saturne. Et c'est le cas, je crois, pour beaucoup d'astronomes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Saturne est vraiment un astre absolument éblouissant. Quand on découvre les anneaux autour de cette sphère, autour de cette petite planète lointaine, on ne peut qu'être émerveillé et se dire « Oh là là, je veux en voir plus, je veux voir ça mieux et je veux en voir plus. » Et donc, on commence à découvrir d'autres objets, d'autres planètes, Jupiter, l'atmosphère de Jupiter, et puis les galaxies, les amas d'étoiles, enfin plein de choses dont on pourra en reparler tout à l'heure. Et pour vous, Jean-Yves Darlan ? Alors moi j'ai une histoire d'astronome professionnel, c'est assez différent parce que c'est vrai qu'étant enfant, si le ciel ça me passionnait, je lisais l'encyclopédie, enfin l'astronomie pour garçons et filles de 8 à 10 ans, c'est quelque chose que j'ai lu et relu sans arrêt. Mais au moment où on fait des études, qu'on est à l'université, qu'on cherche un métier, il y a un moment où il revient dans la tête, mais finalement le ciel, c'était quand même beau, c'était quand même intéressant, est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin ? Et donc, j'ai fait des études de mathématiques, de physique, pour devenir astronome. Voilà, c'est comme ça. Et après, on devient astronome professionnel, on a effectivement des choses très, très concrètes à faire, mais on garde, j'allais dire, cette âme d'astronome amateur au fond de nous. Ça, on a toujours, quand on s'en va observer, c'est vrai qu'on est derrière des ordinateurs. Et pourtant, on va quand même sortir la nuit dans la montagne et regarder le ciel. Et on aura toujours ce même émerveillement. Alors, on va voir que pratiquer l'astronomie amateur, c'est évidemment de préférence, comme vous venez de dire, Jean Darlot, de nuit dans la montagne, loin des lumières de la ville. Mais même dans la ville, figurez-vous que l'on peut, malgré tout, distinguer quelque chose, des planètes, quelques étoiles, que tout n'est pas perdu pour les citadins. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Malgré la pollution lumineuse et atmosphérique, vous qui avez d'ailleurs votre première étoile d'astronome amateur. C'est vrai, il y a très longtemps que je l'ai passée. Vous l'avez tout de même. Eh bien, vous êtes allé passer une soirée d'observation au Parc Montsouris à Paris. Eh bien oui, parce que l'Association française d'astronomie lance sa 3e édition, Paris sous les étoiles. Alors ça se passe cet été, du 6 juillet au 1er septembre. Il y aura 10 soirées au total d'observation qui seront proposées gratuitement au grand public dans cette parc à Paris. L'occasion de découvrir de ses propres yeux des planètes comme Mars ou Jupiter, bon pas Saturne hein, parce que ça restera un tout petit point, mais même la Lune et ses cratères. Et le but c'est aussi d'inviter chacun à manier soi-même des instruments par les jumelles ou les télescopes. Et moi, je suis allée justement rejoindre Nicolas Franco de l'AFA et son équipe qui était la semaine dernière en pleine session de formation en vue de ces prochaines soirées. Ce que l'on va faire, c'est carte du ciel. En plus, là, c'est la bonne période pour sortir le matos et commencer à observer la Lune. Jupiter sera peut-être déjà levé. Donc, on va faire alignement d'étoiles, lecture du carte du ciel, réglage du chercheur. Il y en a qui pourront être plus à l'aise éventuellement sur des histoires autour des constellations. J'organise en fait ce soir une formation rencontre entre les animateurs qui interviendront avec nous sur les actions estivales, donc les Nuits des Étoiles, début août, et puis lors d'une opération qu'on mène avec la mairie de Paris qui s'appelle Paris sous les étoiles, qui en fait a pour ambition d'utiliser les parcs ouverts la nuit pour proposer aux Parisiens et aux Parisiennes des soirées d'observation nocturne gratuites. Et donc en fait cet été, on sera durant 10 dates sur 7 parcs parisiens pour proposer des soirées d'observation de 21h à 2h du matin. En fait, j'ai passé ma première étoile ici avec l'AFA, au Parc Montsouris. Et ça m'a tellement plu que j'avais envie d'avoir plus de pratiques. Et comme j'ai aussi une bonne appétence pour le public, c'est une opportunité en fait, d'observer des étoiles en étant en contact avec des gens et en partageant cette passion. Ce soir, vous vous préparez à Paris sous la nuit ? En quoi va consister toutes ces séances de médiation ? L'ambition, c'est de montrer des objets qu'on connaît au moins tous de nom et de les voir de ses propres yeux. Il y a une certaine émotion d'observer une planète qu'on connaît déjà et qu'on a étudiée de façon tellement théorique de ses propres yeux pour la première fois. De voir les anneaux, d'entendre des anecdotes sur les satellites, de faire le relais avec ce qu'on entend à la télévision, d'enlever aussi certaines croyances et d'apporter un tout petit peu de science au public qui s'y intéresse. On sort le Dobson. C'est quoi un Dobson ? Le Dobson, en fait, c'est un type de télescope. Donc là, on va sortir en fait différents types d'instruments. Le but, c'est que chacun des animateurs puisse un peu avoir chaque instrument entre les mains pour pouvoir le manipuler et pour pouvoir éventuellement être prêt à être derrière sur la soirée, sachant qu'on ne sait pas encore quel instrument aura tel ou tel animateur. Ah, donc là, on sort le télescope. Ouais, le gros, un gros nouveau. Un gros Dobson. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut espérer observer ? Déjà la Lune et sûrement Jupiter. Le point lumineux qu'on voit à gauche, enfin derrière l'arbre. C'est bon, il n'y a pas trop. Le ciel est assez transparent ce soir ? Oui, ça va encore, mais par contre, il y a beaucoup de vent. Et ça, le vent, c'est l'ennemi aussi pour les instruments. Ça vibre. En fait, pour regarder les planètes, il faut qu'on zoome beaucoup. Et du coup, le champ est très réduit et le moindre vibration, ça fait trembler. Pour l'observation, c'est pas très agréable. Donc on va voir ce que ça donne. Mettez-les maintenant. J'ai le miroir. Donc là, on va le positionner sur son socle. C'est un télescope de combien de diamètre ? C'est un 250, ça ? Oui, 250 mm. Tu l'as ? Non, je pense qu'il faut dévisser d'abord. Attends. Ah oui, il faut dévisser d'abord. Là, je suis bon. Celui-là, faut... L'avantage du Dobson, c'est qu'en fait, on le pose et il est prêt à l'utilisation tout de suite. Deux choses. À la fin, on commence à avoir beaucoup d'instruments. Et en général, ils ont un jeu d'accessoires qui leur est associé. Voilà, faut juste que vous ayez en tête ça. Un lot d'instruments sera composé d'un tube, la lunette ou le télescope en tant que tel, de son trépied et de ses accessoires. Il y a les oculaires et il y a le renvoi coudé. Et chaque instrument aura une petite loupiote rouge. Le but, c'est voilà, de ne pas éclairer la zone d'observation, mais que quand même le public, lorsqu'il arrive, identifie les différents pôles d'observation ou les différents animateurs. Je vais aller chercher les lumières pendant que vous montez le C8. Exactement. D'abord, on va... Est-ce qu'on est bien là ? Bah oui, parce que le nord est là. Exactement. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un pied avec une table équatoriale. Le but du jeu, c'est de placer cette table équatoriale vers le sud. Vous voyez, cette petite encoche, on dit qu'on la met pile poil vers le sud. Donc c'est pas une monture azimutale, de structure azimutale, c'est ce qu'on a sur le Dobson, où on va juste avoir ces directions-là, voilà, au bas, gauche, droite, tout ça. Là, ça va être un petit peu différent. D'ailleurs, on va se mettre comme ça. Donc voilà. On peut observer à la fois des astres assez proches, comme les planètes du ciel solaire et le ciel profond. Oui, alors le ciel profond, ça va être aussi... Il n'y a pas que l'instrument qui va jouer, il va y avoir la qualité du ciel. Là, on est à Paris, au Parc Montsouris, donc on a un ciel qui est quand même très pollué au niveau lumineux. Alors là, on observe la Lune, là, et ses cratères. Ça a bougé. Les petits cratères, ils ont une centaine de kilomètres à peu près. On est à grossissement combien, là ? Donc on est à 12 millimètres. Non. Parce que là, on les voit très bien, les cratères. Oui, on est à 12 millimètres, donc là, ça doit faire 200 fois à peu près. Voilà. Et on peut zoomer encore. En fait, le Dobson, on le dirige avec la main. Il faut repointer. Alors, le mieux, c'est de regarder d'abord dans le chercheur pour dégrossir. L'objet qu'on souhaite observer part très vite. Il ne faut pas hésiter. Hein, c'est... Ah oui, elle est dessus, là. Alors maintenant, on zoome. Là, on va refaire la mise en station pour... Mais alors là, par exemple, là, on voit que Jupiter arrive vers le zénith. Est-ce qu'on peut espérer, avec ce type d'instrumentation d'optique, observer les turbulences ? Oui, tout à fait. Alors, les tempêtes sur Jupiter. Avec un 200 mm, comme ça, avec ce type de télescope, on peut observer les bandes nuageuses. On va zoomer. Hein. On voit les satellites, oui, là ? Oui, c'est ça. Europe, Ganymède et Callisto. Faut partir avec un souvenir, là. Faut prendre une photo. Bah même Jupiter. On parlait tout à l'heure de brassards et de lumière. En fait, ça suit. Je vais aller chercher les lumières. Moi, j'invite tous les passionnés et curieux du ciel à lever les yeux la nuit, à observer les étoiles, observer la lune, sortir leur paire de jumelles, regarder les cratères lunaires. En tout cas, ne pas hésiter à lever les yeux et à reprendre contact un peu avec ce ciel nocturne qui disparaît un peu. Voilà une séance d'observation, y compris à Paris, pour reprendre contact avec ce ciel qui nous échappe un peu, il est vrai, en ville à cause de la pollution atmosphérique et lumineuse. Une réaction l'un et l'autre, Jean-Yves Darlot, Guillaume Canas, que vous venez d'entendre, Jean-Yves Darlot. Ah ben ce genre d'expérience est très très importante, parce que si quelqu'un qui n'est pas encore complètement astronome amateur, qui est du grand public, qui veut voir le ciel, il ne faut pas qu'il se débrouille tout seul, il serait déçu. On a entendu mettre l'instrument en station, régler ceci, régler cela. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Il faut donc commencer avec des gens qui s'y connaissent, et comme ça on pourra voir quelque chose dans le ciel. Guillaume Canin ? Ben, moi, je suis d'abord très content d'entendre mes amis de l'Association française d'astronomie qui sont à l'œuvre dans ce reportage. Et c'est vraiment très bien ce qu'ils organisent tout l'été à Paris. Il faut savoir qu'il y a partout en France des associations. On est dans un pays qui compte des centaines de clubs et d'associations d'astronomie. C'est un des pays dans lequel la densité de clubs astronomiques est la plus forte au monde. Et on a partout, dans toutes les régions, dans tous les départements, des soirées qui sont organisées pour le public tout au long de l'année et particulièrement l'été. Donc, il faut naturellement, chacun dans sa région, maintenant avec les outils internet, on a de quoi trouver facilement. Et je crois même que l'AFA recense sur son site internet toutes les soirées d'observation dans toute la France. Donc ça, c'est vraiment important à signaler. Et puis ensuite, une soirée d'observation, et comme le disait Jean-Eudes à l'instant, c'est vraiment important parce que ça permet de découvrir le ciel en compagnie. Que ça soit à l'œil nu ou avec un instrument. Parce que moi, je considère que découvrir le ciel, on n'a pas besoin d'instrument dans un premier temps. On peut découvrir le ciel à l'œil nu et avoir quelqu'un à côté de soi qui vous guide, qui vous montre les noms des principales étoiles, qui vous donne la forme des constellations les plus célèbres. Pas toutes les constellations, il y en a trop, on pourrait pas toutes les mémoriser en une soirée, ça serait trop confus. Mais quelques étoiles vraiment brillantes, et puis démarrer comme ça. Et puis ensuite, si vraiment on s'intéresse, revenir à une soirée, commencer à observer avec des grossissements plus ou moins importants, la Lune, les planètes. Votre reporter tout à l'heure disait, mais non, Saturne, on le verra pas. Mais si, Saturne, avec une petite lunette et un grossissement de 30 fois, vous verrez les anneaux. Donc même Saturne, on peut la voir, surtout cet été, elle sera bien située tout l'été. Donc faut pas hésiter, faut multiplier le genre d'observation comme ça. Et puis ensuite, on peut se lancer, on peut partir à l'aventure soi-même ou avec ses amis, sa famille, et découvrir le ciel. Et ce qu'on ne voit jamais maintenant dans les villes, la Voie lactée notamment. La Voie lactée, c'est quelque chose d'extraordinaire à voir pour la première fois. Moi, j'ai été en contact souvent avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui n'avaient jamais vu la Voie lactée et qui d'un seul coup se retrouvaient la nuit dans les Cévennes, qui me sont chères puisque c'est à côté des Cévennes que j'habite et c'est là que j'observe la plupart du temps. Et quand on découvre la Voie lactée qui traverse tout le ciel d'un bord à l'autre, d'un horizon à l'autre, dans un premier temps, les gens comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ce nuage qui bouge pas, etc. Et comprendre ce dont il s'agit, comprendre que ce sont des étoiles, comprendre que le Soleil fait partie de cet ensemble, que c'est une galaxie, etc., etc. C'est extraordinaire, c'est une révélation pour la plupart des observateurs. Et on va vous mettre évidemment, on a déjà mis le lien vers les 10 soirées d'observation parisiennes, mais on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter vers le site de la FAC qui recense effectivement toutes les soirées d'observation qui ont lieu au cours de l'été, de l'automne ou de l'année. On va le mettre sur le fil Twitter de la méthode scientifique, hein, sur le compte de la méthode FC. J'aimerais rebondir sur une petite phrase avant de poursuivre cette émission qui a été prononcée dans ce reportage. On entendait l'un des intervenants dire c'est bien d'apporter un peu de science aux personnes qui viennent. Est-ce que ça veut dire que quand on cherche, quand on est curieux, de venir observer le ciel comme ça, dans des soirées organisées par des associations, par des clubs d'astronomie, ça veut dire qu'on vient faire un peu de science, ou est-ce que ça peut être une expérience purement poétique, plus intangible, dirais-je, Guillaume Canin ? Dans un premier temps, on peut commencer par ça. Et de toutes les façons, moi, les contacts que j'ai eus avec des milliers d'astronomes amateurs débutants, novices, montrent que chacun a sa propre histoire, sa propre expérience. Certains viennent à l'astronomie amateur parce qu'ils veulent comprendre d'une façon très scientifique comment fonctionne la mécanique céleste, les mouvements des astres, les uns par rapport aux autres, etc. D'autres viennent uniquement par le côté poétique, comme vous le disiez, et par le plaisir esthétique, simplement, que l'on peut éprouver en observant le ciel. Je crois que chacun va piocher ce qui l'intéresse. L'essentiel est d'activer sa curiosité, comme je le disais tout à l'heure, et d'être ouvert à l'environnement, à la nature qui nous environne. Puisque là, dans le cadre du reportage, on était en ville, mais quand on observe à la campagne, dans un endroit un petit peu loin des bruits urbains, eh bien, on entend la nature. On entend en ce moment, ce qu'on entend, ce sont les grillons d'Italie qui avancent dans la nuit, ce sont les grenouilles qui chantent jusqu'à très tard dans la nuit. Au matin, on entend les rossignols, on entend les oiseaux qui s'éveillent. Donc, c'est vraiment tout un environnement. Les odeurs aussi, en ce moment, avec l'humidité qu'on a eue récemment grâce aux orages ou à cause des orages, il y a pas mal d'humidité, donc il y a des odeurs d'humus, des odeurs d'herbe tout à fait fortes, et tout ça contribue à faire de l'observation nocturne un souvenir vraiment très très puissant, très fort, qui s'ancre dans la mémoire des gens. Jean-Yves Darlot. Alors, c'est vrai que j'ai dit qu'un astronome amateur était contemplatif, mais même si on n'est pas astronome amateur, quand on voit le ciel, bah, on a une certaine curiosité. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits points lumineux qu'on voit dans le ciel comme ça? Et après, la plupart des gens, on leur a expliqué qu'il y avait un système solaire, qu'il y avait un soleil, les planètes tournaient autour, qu'il y avait des galaxies, des ceci, des cela. On voit ça dans les journaux scientifiques, on en entend parler. Et pourtant, quand vous regardez le ciel, mais ça n'a rien d'évident. Où sont les planètes? Eh bien, cette curiosité, effectivement, elle va entraîner les gens à aller beaucoup plus loin, à essayer d'en savoir plus, à essayer de voir comment on voit des petits points dans le ciel, comment on peut avoir une idée de l'univers en relief. Donc ça, c'est la question qui se pose et tout le monde va essayer de creuser pour savoir. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 sur France Culture, nous parlons de l'astronomie ou de la pratique amateur de l'astronomie avec Jean-Eudes Arlot qui est avec nous ici à la Maison de la Radio à Paris, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, avec Guillaume Cana qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio France et de France Bleu Héros à Montpellier et qui est observateur et auteur du Guide du Ciel, un guide annuel publié aux éditions AMDS. Puisqu'on parle justement de science, est-ce qu'il est nécessaire quand on veut pratiquer l'astronomie amateur, quand on veut commencer à rentrer un peu plus avant, j'ai envie de dire un peu au-delà juste de ces soirées d'initiation que l'on vient d'entendre dans le reportage, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un petit corpus scientifique de base pour comprendre un peu comment observer le ciel? Guillaume Cana. Oui, ça, je pense que bon, ensuite chacun va choisir la manière dont il va étendre ses connaissances, mais c'est vrai que c'est indispensable d'avoir un minimum de connaissances, et ces connaissances, on peut les acquérir par les revues, les magazines scientifiques qui parlent d'astronomie régulièrement, les émissions de radio, les émissions de télé, si on pas assez nombreuses à mon goût, mais en tout cas, il y a aussi tout un réseau de clubs qui organisent des conférences, qui fait parler les astronomes amateurs compétents ou les astronomes professionnels sur des sujets précis et qui permettent à chacun de petit à petit comprendre de mieux en mieux comment fonctionne l'univers qui nous entoure, l'univers auquel nous appartenons. Donc oui, ça c'est indispensable que l'on progresse. Mais il faut bien voir que on est dans le domaine de l'amateur et il n'y a pas d'obligation de résultat, comme le disait Jean-Eudes tout à l'heure, comme pour un professionnel. Et donc, chacun progresse à son rythme. On n'est pas obligé de maîtriser les mathématiques ou les physiques de la nucléosynthèse dans une étoile pour prendre plaisir à l'observation du ciel ou à l'observation du soleil. Qui sont passionnantes par ailleurs, mais pour d'autres raisons. Oui, absolument. Si on prend plaisir à l'observation du soleil, ce qui est possible maintenant parce qu'il y a des nouveaux instruments depuis une dizaine d'années qui permettent d'observer le soleil vraiment en amateur avec une qualité d'image incomparable et surtout avec une sécurité totale, ce qui n'était pas le cas il y a encore une quinzaine d'années, eh bien, quand on observe le soleil, eh bien, on a plaisir à mieux comprendre son fonctionnement et à se plonger dans la littérature, dans les articles. Alors, il y a maintenant Internet. Internet est une source en même temps de savoir extraordinaire et une source de bêtises extraordinaire. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça que j'oriente dans un premier temps plutôt vers des conférences autorisées, vers des livres, vers des revues scientifiques ou de vulgarisation scientifique. Mais et puis ensuite, on réussit à trouver les sites Internet qui ne disent pas de bêtises, quoi. Malheureusement, il y en a beaucoup qui disent beaucoup de bêtises. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Il vaut mieux se référer à votre guide du ciel qui est très complet, mais justement, si on parle du guide du ciel, je vous ferai revenir là-dessus, Guillaume Cana, mais quand on regarde ces guides du ciel, quand on regarde des cartes du ciel et qu'on est novice en la matière, tout ça a l'air tout de même relativement complexe. On rentre vite dans quelque chose de relativement scientifique et donc d'un peu difficile d'accès pour des personnes qui voudraient juste, par exemple, commencer à comprendre. Oui, alors, Jean-Eudes Arlot d'abord et Guillaume Cana après. Oui, c'est vrai que si on veut comprendre tout le ciel, quand on fait des études, c'est à partir de Bac plus 4, Bac plus 5, on commence à avoir les outils qui permettent de comprendre comment le ciel fonctionne. Mais il y a eu un retour des professionnels vers les amateurs pour faire des conférences à un niveau où il n'y a pas besoin d'avoir ces connaissances. On peut expliquer le ciel d'une manière descriptive sans faire appel à des connaissances extrêmement élaborées. Et on peut aider qui que ce soit à comprendre, justement, c'est ce que je disais, on voit des petits points dans le ciel, on ne comprend pas ce que c'est, mais quand même, on peut, sans équations compliquées, montrer qu'il y a un système solaire, qu'il y a des galaxies, qu'il y a un univers, et comment tout ça évolue d'une manière très simple. Guillaume Cana, c'est vrai, quand on feuillette vos guides du ciel, il faut prendre le temps de s'y plonger. Ça n'est pas du tout inaccessible, mais c'est tout de même, on est déjà à un niveau de littérature scientifique un peu avancé pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien et qui voudrait commencer à se renseigner et rentrer un peu plus avant dans cette observation amateur du ciel. Oui, tout à fait. Mais moi, je considère que les gens ont le droit qu'on leur parle de façon un peu intelligente et élevée. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Voilà, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et je pense que pour présenter les choses, c'est vrai que ça exige un minimum d'effort intellectuel pour appréhender de nouvelles connaissances, de nouveaux mots, de nouvelles descriptions de la nature qui nous entoure. Mais c'est relativement facile à acquérir et ça permet ensuite de bien mieux comprendre comment se situer et surtout de savoir que tel type de phénomène est vraiment intéressant à observer. Et un phénomène qui est beau esthétiquement pourra être très complexe en fait dans son explication physique, mais simplement on peut l'aborder sur plusieurs niveaux, quoi. Se prendre plaisir à l'observer sur un plan purement visuel, sur un plan purement esthétique et poétique, et aussi prendre un plaisir intellectuel à comprendre ce qui se trame, ce qui est en train de se jouer devant nous. Donc oui, certes, il faut faire un petit effort, mais je pense que c'est important de faire des petits efforts. On est toujours récompensé quand on fait des efforts pour comprendre les choses. Lire une carte du ciel, ça devient rapidement facile, aisé, selon vous, Jean-Louis Darlot, quand on commence à s'y mettre ? Ah c'est pas si aisé que ça. Il faut pas non plus croire, parce que c'est vrai que quand on fait une carte du ciel, on voit des étoiles dessus. Quand on regarde le ciel, on voit pas du tout la même chose. Alors ça, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer l'astronomie, pas seul. Il faut être accompagné par quelqu'un qui va vous expliquer. Mais ce qui est intéressant dans le ciel, et ça les amateurs s'en aperçoivent petit à petit, c'est que quand on regarde le ciel, on a l'impression de quelque chose de figé. Bon, la Terre tourne, les étoiles, elles se déplacent, mais tout est figé, il n'y a rien qui bouge. Mais dès qu'on commence à aller un petit peu plus loin, d'avoir un petit instrument, eh ben on va voir qu'en fait ça bouge. On a parlé tout à l'heure, on a entendu dans le reportage qu'on observait Jupiter. Ah, il y a les satellites autour de Jupiter. Eh bien, ils bougent assez rapidement. Et d'une heure à l'autre, on va les voir changer de place. Et ça, les amateurs vont s'en apercevoir et vont se dire, mais ça veut dire qu'on peut suivre quelque chose, on peut voir les choses évoluer. Et c'est là où il peut y avoir après des collaborations entre astronomes amateurs et astronomes professionnels qui vont se retrouver sur l'étude d'un phénomène, d'un mouvement, de quelque chose, d'une position ou d'une observation, d'une découverte. Parce que le ciel change. On voit apparaître des astres nouveaux. Les comètes, par exemple. Les comètes, elles apparaissent sans prévenir. Eh bien, c'est toujours les astronomes amateurs qui les découvrent. Tout simplement parce que les astronomes amateurs, ils contemplent le ciel et ils voient tout d'un coup une comète. Un astronome professionnel ne peut pas se permettre ça. L'astronome professionnel, il n'observe que ce qu'il est sûr de voir. Donc les découvertes, les astronomes amateurs font beaucoup de découvertes. Guillaume Cana. Si je peux pondérer un tout petit peu ce que vient de dire Jean-Louis Darlot, malheureusement, la place des astronomes amateurs dans la découverte de comètes, elle a beaucoup diminué ces dernières années, tout simplement parce que les professionnels ont mis en service des instruments automatisés maintenant qui cherchent ce genre d'objets et qui sont d'une efficacité redoutable, ce qui fait qu'il y a très peu de comètes maintenant qui sont découvertes par les amateurs. Il y en a encore quelques-unes, une ou deux par an selon les bonnes années, mais enfin voilà, maintenant c'est essentiellement des engins automatisés qui découvrent les comètes. Mais cela dit, tout ce qu'a dit Jean-Louis, je souscris totalement, parce que oui, c'est tout à fait exact. On a une interaction possible entre les astronomes amateurs et professionnels sur de multiples domaines. Un mot peut-être rapidement pour aussi se familiariser avec un certain vocabulaire, une certaine nomenclature, ou par exemple même juste la simple volonté de connaître la magnitude d'une étoile et donc de savoir où elle est, quelle est sa distance par rapport à nous. Tout ça, ce sont des outils qui, selon vous, s'apprivoisent relativement facilement. Oui, alors c'est vrai que les astronomes, ils ont une terminologie différente de la vie normale. Par exemple, pour se repérer sur Terre, on a la longitude, la latitude, tout le monde connaît ça. On pourrait avoir la même chose dans le ciel. Eh ben non, on va appeler ça l'ascension droite et la déclinaison. Les longitudes, tout le monde sait qu'on compte ça en degrés. Eh ben non, les astronomes, ils vont compter ça en heures. Alors c'est vrai que l'astronomie, c'est une science extrêmement ancienne. Eh ben, on a l'héritage du passé avec une terminologie tout à fait particulière, avec une façon de compter qui, souvent, on va même dans l'autre sens, à l'envers des autres. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a pas, qui ne s'y connaît pas trop, bah, il est un petit peu gêné de voir ce langage un peu mystérieux d'une secte. Il va être emporté par l'enthousiasme de l'observation et tout ça va être dépassé par l'enthousiasme et le plaisir de la découverte. Absolument, donc, ça ira. Absolument. Quel est le bon endroit pour commencer justement ? Est-ce qu'il faut se plonger dans votre guide du ciel, Guillaume Canin ? Est-ce qu'on trouve aujourd'hui, j'en sais rien, des MOOC sur Internet, des ouvrages qui permettent de rentrer progressivement en fonction des niveaux de complexité ? Je vais être contre-productif pour mon éditeur, mais non, je pense pas que mon guide du ciel soit le moyen d'entrer directement dans l'astronomie. Bon, d'une part, je fais tous les ans un autre livre qui est beaucoup plus grand public, qui s'appelle Le ciel à l'œil nu, hein, il dit bien ce qu'il veut dire, et qui permet justement de découvrir pas à pas, à l'œil nu, à éventuellement avec des jumelles, le ciel. Et c'est peut-être une première étape avant de passer à un livre comme le guide du ciel qui permet, lui, d'aller jusqu'à des observations avec des télescopes ou des observations d'exoplanètes, donc des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Le guide du ciel, sa vocation, c'est pas de donner toutes les bases de l'astronomie. C'est pas un dictionnaire de l'astronomie. C'est vraiment une recension de toutes les observations possibles dans l'année à venir. Et donc, si on veut découvrir l'astronomie, il faut avoir affaire d'abord à des ouvrages d'astronomie. Il y a une grande littérature, une grande quantité de livres d'astronomie. Et il y a effectivement de plus en plus des cours qui sont donnés sur Internet, alors qui sont d'un niveau plus ou moins élevé selon les personnes ou les organismes qui les donnent. Mais oui, on trouve de plus en plus ce genre de choses. Mais il y a aussi des rassemblements, je pense aux rencontres du ciel et de l'espace, comme celles qui se produisent tous les deux ans au mois de novembre. Et on est dans une année où les rencontres du ciel et de l'espace vont se produire au mois de novembre prochain à la Cité des sciences et de l'industrie, à la Villette, donc à Paris. Et ça, c'est un endroit où pendant 3-4 jours, on a plusieurs dizaines de conférences qui sont données aussi bien par des astronomes amateurs que des astronomes professionnels sur des sujets très variés. Ça va de comment régler un instrument à la connaissance des trous noirs et la découverte des ondes gravitationnelles. Et ça permet vraiment d'avoir une vision assez globale de l'astronomie moderne et de l'astronomie d'amateur moderne, puisque l'astronomie d'amateur progresse, elle aussi, comme l'astronomie professionnelle a progressé énormément sur un plan technologique et instrumental ces 10, 20 décennies passées. Bien, l'astronomie d'amateur progresse aussi. Les instruments qu'ont les amateurs maintenant auraient fait rêver les professionnels il y a 50 ans. On a maintenant, avec des instruments d'amateurs qui ont des budgets pas outranciers, on a des qualités d'observation et des possibilités de photographie et de film des étoiles ou des planètes ou de la Lune ou du Soleil qui sont d'un niveau mais extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les amateurs peuvent maintenant de plus en plus contribuer à certains domaines de la science. Et on va revenir dans un instant sur cette question de l'équipement, parce que regarde le ciel, oui, mais avec quoi, à travers quelles lunettes, à travers quel télescope ou à travers quelles jumelles, on en reparle dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Yes, I'm gonna walk all that milky white way. Oh Lord, some of these days. Well, I'm gonna walk that milky white way. Some of these days. Well, well, well, well. I'm gonna walk up and take my stand. Christian band. I'm gonna walk all that milky white way. Oh Lord, some of these days I'm gonna tell my mother howdy, howdy, howdy when I get home. Yes, I'm gonna tell my mother howdy when I get home. Well, well, well, well, I'm gonna shake my mother's hand. I will shake her hands that day. That's when we walk all that milky white way. Oh Lord, one of these days I'm gonna meet God the Father and God the Son. Yes, I'm gonna meet God the Father and God the Son. Well, well, well, well, I'm gonna sit down and tell him my troubles about the world I just came from. that's when we walk. Oh, that Milky White Way. Oh, Lord, one of these days. Milky Way to Ed, Elvis Presley à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlions, nous évoquions tout à l'heure la beauté de ce spectacle de la Voie lactée dans le ciel nocturne, quand on a la chance de pouvoir l'observer loin des villes, puisque nous parlons donc tout au long de cette heure de l'astronomie amateur et de la pratique amateur de l'astronomie avec Jean-Eudes Arlot, qui est avec nous ici en studio à la Maison de la Radio, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et en duplex depuis les studios de France Bleu Héros à Montpellier avec Guillaume Cana, auteur du Guide du Ciel et du Ciel à l'œil nu, tous deux aux éditions AMDS. Un mot, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, on parlait des jumelles. Aujourd'hui, vous disiez, Guillaume Cana, que le matériel a énormément changé, que l'on peut se procurer aujourd'hui, même en astronomie amateur, du matériel de très bonne qualité pour observer le ciel. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de mettre la main au portefeuille ou de se saigner à blanc pour pouvoir pratiquer l'astronomie amateur en achetant du matériel aujourd'hui. Alors, mettre la main au portefeuille, ça, il faudra c'est sûr, toujours un oui. petit peu, malheureusement. mais effectivement, c'est pas la peine de se saigner. On a maintenant, pour quelques centaines d'euros, des instruments qui donnent des images du ciel tout à fait correctes. Alors, bon, c'est comme dans tout domaine. On peut aller de la deux chevaux à la Ferrari. Mais bon, on peut, pour quelques centaines et ou autour de 1000 euros, avoir un instrument qui, maintenant, est un instrument entièrement automatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus ces problèmes, justement, qui handicapaient la découverte du ciel auparavant. Avant, où il fallait mettre en station, c'est-à-dire faire en sorte que l'un des axes de la monture de l'instrument soit parallèle à l'axe de rotation de la Terre pour qu'on puisse compenser la rotation de la Terre et suivre les objets dans le ciel. Parce que comme on grossit énormément, dès qu'on grossit 50, 100, 200 fois, eh bien on grossit aussi le déplacement apparent des étoiles dans le ciel et donc il faut compenser ce déplacement apparent. Alors ça maintenant c'est plus nécessaire, il y a des instruments, on les pose, on leur donne 5 minutes, ils sont équipés de GPS, de capteurs multiples et nombreux, ils savent se repérer sur Terre, ils savent où ils sont, ils savent l'heure qu'il est très précisément, et du coup ils savent ou pointer pour voir tel et tel astre. Donc en quelques minutes, ils sont opérationnels, on a une petite raquette de commande, certains peuvent même être pilotés par la voix, et on leur dit bah, je veux observer la Lune, ou je veux observer Saturne, ou je veux observer la galaxie d'Andromède, ou l'amas du Cocher, et hop, automatiquement, ils pointent la bonne direction, pour autant que l'astre qu'on souhaite observer soit dans le ciel naturellement à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment, ça permet de je dirais un méchant mot, mais de rentabiliser le peu de temps que l'on peut consacrer à l'observation du ciel, parce qu'on est tous pris par des activités quotidiennes multiples et variées, la météo est pas toujours favorable, et donc en fait on s'aperçoit que sur une année, le nombre de soirées ou de nuits que l'on peut consacrer à l'observation du ciel est relativement réduit. Si on passe la moitié de chaque nuit à essayer de régler son instrument pour pouvoir ensuite observer pendant quelques heures, bah c'est du gaspillage. Maintenant, avec un instrument comme ça, on le pose et 10 minutes après, on est opérationnel et on peut vraiment passer des heures et des heures à observer le ciel, à se faire plaisir. Alors, est-ce que c'est pas un peu antinomique, Jean-Yves Darlot, de cet éloge de la lenteur que vous faisiez tous les deux au début de cette émission, de la contemplation, de la patience, la pof, on appuie sur un bouton, tac, c'est dans l'axe, bim, on a l'image. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'astronomes. Oui, mais en même temps, il faut voir, il faut faire la part des choses, quoi. Oui, excusez-moi, mais il faut faire la part des choses, oui. Oui, bon, Guillaume Cana, allez-y, Guillaume Cana et Jean-Yves Darlot après. Oui. Bon, non, je disais qu'on est confronté au fait que c'est vrai que on essaye au plus possible de retrouver cette lenteur et de retrouver cette sérénité face au ciel, mais il faut être clair, on n'a pas beaucoup de temps pour contempler le ciel. Entre la météo qui est pas fameuse la plupart du temps dans nos régions tempérées comme la France et le fait que nos vies professionnelles et familiales font qu'on ne peut pas observer tous les soirs de beau temps, ben les rares nuits où on peut observer, si on a un instrument qui se met en station tout seul et qui permet d'observer et de profiter du ciel plus rapidement, eh ben ça laisse du temps pour souffler un peu et observer en douceur. Mais c'est vrai qu'on n'a pas sous ce stress de mettre en station un instrument qu'on pouvait avoir il y a encore une dizaine d'années. Jean-Yves Darlot. Oui, mais ça dépend ce qu'on cherche, parce que c'est vrai que les astronomes professionnels ont automatisé leurs instruments, parce qu'ils doivent rentabiliser des instruments qui, eux, coûtent très très cher. Et donc l'électronique a beaucoup aidé pour ça. L'astronome amateur, j'ai dit que c'était un contemplatif, c'est vrai. Alors, bon, il ne va pas non plus tout d'un coup, hop, tout de suite se mettre à faire 10 000 images dans la nuit. Après, les faire analyser par un ordinateur. Alors, il y en a qui font ça et qui obtiennent des choses extraordinaires, des images que les grands instruments des professionnels même n'auraient pas des aussi belles images, parce que c'est tout simplement une analyse par ordinateur d'images qui sont faites automatiquement pendant toute une nuit. Donc, c'est une autre approche. Donc, ça dépend ce que souhaite l'astronome amateur. Si c'est un astronome amateur qui veut faire des images, ben maintenant, il a la possibilité d'en faire beaucoup. Mais s'il veut regarder, parce que regarder à l'œil, c'est quand même autre chose que de faire des images qu'on regarde sur son ordinateur. Et ça, l'astronome amateur peut se le permettre. Il peut aller quelque part, regarder le ciel, regarder la Voie lactée, regarder avec des jumelles, prendre son petit instrument, mettre du temps pour le pointer, mais tout le temps qu'il met à le pointer. Mais il voit le ciel pendant ce temps-là. Et une fois qu'il a son objet, il est content, il l'a trouvé lui-même. Il a exploré le ciel, il est allé d'une étoile à l'autre. Il s'est déplacé dans le ciel pour arriver à l'objet qu'il souhaitait. Donc, il faut bien se dire que l'astronome amateur, il a le choix de ce qu'il veut faire quand il regarde le ciel. Aujourd'hui, on peut avoir des bonnes observations avec de simples jumelles ou avec des lunettes, justement, où on regarde à l'oculaire et on n'a pas de télescope, effectivement, relié à un ordinateur, Guillaume Canat ? Oui, tout à fait, tout à fait. Jean-Edouard parlait de photographie. Moi, j'évoquais pas du tout la photographie tout à l'heure. J'évoquais simplement le plaisir d'observer des galaxies, d'observer des nébuleuses, des nébuleuses planétaires, les restes d'étoiles qui sont mortes, etc. D'observer l'espace profond, ce qui demande, ce qui est plus exigeant, effectivement, en termes de matériel. Voilà. Exactement, exactement. Mais avec des jumelles, déjà. D'ailleurs, moi, je dis toujours, quand on me demande quel est le premier instrument que doit avoir un observateur du ciel, je dis c'est une paire de jumelles. Parce que les jumelles, d'une part, vous les utiliserez toujours. Toute votre carrière d'astronome amateur, voire professionnel, vous utiliserez des jumelles, parce que quand on cherche quelque chose dans le ciel, quand on cherche un astre dans le ciel ou une nouvelle comète, eh bien, on la cherche aux jumelles. C'est un engin qui a un grand champ de vision, qu'on n'est pas dépaysé, et on peut pointer facilement des différentes régions du ciel, et c'est quand même plus puissant que l'œil nu, ça récolte beaucoup plus de lumière. Donc des jumelles, ça servira toujours. Et puis, si jamais l'astronomie ne vous intéresse plus après, vous pourrez toujours l'utiliser pour observer les oiseaux ou les bateaux au bord de la mer. Donc ça, c'est pas un problème. Pour aller à l'hippodrome. Et ensuite, ou pour aller à l'hippodrome et gagner de quoi votre prochain télescope. Pourquoi pas. Parlons un peu de ce que, parce qu'on parle de la façon que l'on a d'observer, parlons un peu de ce que l'on peut observer. Vous évoquiez l'observation à l'instant, Guillaume Canat, de l'espace profond. Aujourd'hui, quand on commence une pratique d'astronomie amateur, la première chose, le premier objet sur lequel on a envie de poser ses yeux, ce sont les cratères de la Lune, ce sont les anneaux de Saturne. Oui, c'est ça, sont la Lune et les planètes, la Lune et les planètes Jupiter et Saturne essentiellement. Il faut pas se cacher que ce sont les astres les plus faciles à observer, dans la mesure où ils sont assez grands en diamètre, ou dans le cas de Saturne, la structure des anneaux est tellement évidente qu'on l'aperçoit tout de suite à l'œil nu. Et la Lune, c'est pareil, les cratères, les montagnes, les vallées, les fissures, tout ça, ça se voit très très facilement avec le plus petit instrument astronomique possible. Donc c'est vraiment des objets faciles à observer. Ensuite, on a la chance d'avoir justement dans les semaines qui viennent quelques beaux astres à observer, puisqu'on a la planète Mars qui en ce moment se rapproche de la Terre. On va vers ce qu'on appelle l'opposition, donc un alignement dans l'espace entre le Soleil, la Terre et Mars. Et ça va se produire à la fin du mois de juillet. Mais en gros, on peut dire que pendant toutes les semaines qui viennent, tout l'été, Mars est une planète intéressante à observer, même avec les instruments d'amateurs. Même si elle est plus petite en diamètre que Jupiter, par exemple. Elle sera de toutes les façons plus petite, même dans les meilleurs télescopes d'amateurs, que ce qu'on peut voir Jupiter. Mais malgré tout, Mars, on ne la voit comme ça qu'une fois toutes les X années. Donc c'est l'occasion vraiment d'en profiter. Voilà. Et puis on a juste après, on a aussi une éclipse de lune. Et ça, l'éclipse de lune, c'est vraiment typique, puisque on peut avoir toutes les facettes là pour une éclipse de lune. On peut l'observer à l'œil nu, on peut l'observer aux jumelles, on la verra un peu mieux, on verra un peu mieux les couleurs. On peut l'observer dans un instrument, et là ça devient somptueux, puisqu'on peut suivre l'avancée de l'ombre de la Terre sur les cratères lunaires. Et ça, c'est vraiment très spectaculaire, parce que souvent il y a des colorations qu'on ne perçoit pas quand on a que les yeux pour observer. Quand on regarde sans instrument, on voit une belle coloration rouge brique, etc. Mais dans une lunette ou un télescope, on arrive à voir des teintes bleuâtres ou verdâtres en périphérie de l'ombre qui sont très spectaculaires et très belles à voir. Et Et ça, quel que soit l'instrument qu'on utilisera, on pourra découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment un très très beau phénomène qu'il faudra certainement pas manquer à la fin du mois de juillet. Jean-Yves Darlot, justement, sur ces premiers, sur ces premières planètes ou ces premiers points de fixation finalement de l'observation amateur, comme le disait à l'instant Guillaume Cana, Mars là maintenant, s'il y a quelque chose qu'il faut, vers quoi il faut pointer ses jumelles ou sa lunette, c'est Mars en alors, ce moment. Alors disons que les planètes, c'est ce qu'on voit le plus facilement. C'est ce qui est brillant, c'est ce qu'on voit à l'œil nu d'ailleurs, on les voit à l'œil nu, la plupart des planètes, il y a très peu qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc avec des jumelles ou avec un petit télescope, on peut voir effectivement, c'est ce qu'on va voir cet été. Alors il faut aussi signaler les perséides, les étoiles filantes, parce que ça c'est quelque chose qui est assez spectaculaire, mais bon, c'est entre le 17 et le 24 août qu'on va voir ça, il faut plutôt, faut pas qu'il y ait la Lune. 12-13, oui, 12-13 nous dit Guillaume Canard. Cette année, c'est peut-être un petit peu plus tard quand même. Mais ça s'étale sur quand même pas mal de jours. Donc il vaut mieux attendre qu'il n'y ait pas la Lune pour voir ça. Et c'est vrai qu'il faut le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Sinon, vous ne verrez rien du tout. On ne sait pas, les gens qui n'ont jamais vu les étoiles filantes, mais ils ne peuvent pas les découvrir comme ça. Il faut que quelqu'un leur dise, attention, il faut habituer son œil pendant un certain temps, il faut regarder, il ne faut pas bouger. Et finalement, on en voit. C'est pas à la portée de tout le monde, tout de suite, voir des étoiles filantes. Je m'élève en faux. Je vais revenir vers vous, Guillaume Gala, mais juste un mot pour observer les étoiles filantes. Les étoiles filantes, on les observe à l'œil nu ou est-ce qu'on peut À l'œil nu, tout à fait. Mais il y en a beaucoup, mais qui sont très, très faibles, très ténues. Et celles-là, il faut vraiment savoir que l'œil doit s'habituer avant de pouvoir les voir. Si on sort d'un endroit éclairé, qu'on regarde le ciel, on en verra une si elle est très, très brillante, mais toutes celles qui sont très peu brillantes, on ne les verra pas. J'ai cru comprendre. Oui, Guillaume Canin, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous dire que les étoiles filantes, c'est plus facile à appréhender. Avec la dernière mise au point, je suis parfaitement d'accord. Mars, 57 millions de kilomètres. Le 27 juillet, je crois précisément. D'ailleurs, le 27 juillet, il va y avoir les deux phénomènes, à la fois l'éclipse de lune. On peut en reparler un peu. J'ai cru comprendre en lisant, si j'ai bien tout compris de votre guide du ciel, Guillaume Cana, qu'en Europe, c'était pas le meilleur endroit pour observer Mars parce que on allait avoir. Pourquoi est-ce que c'est pas le lieu d'observation idéal, le ciel européen? Tout simplement parce que malheureusement, on est à 45, on va dire entre 40 et 50 degrés de latitude Nord et que Mars est assez basse. Mars se trouve dans la constellation du Capricorne à l'heure actuelle et pour nous en Europe et en France métropolitaine, même quand elle est au plus haut du ciel, donc quand elle passe au méridien au-dessus de l'horizon sud, elle n'est qu'à 20-22 degrés de hauteur et c'est pas beaucoup 22 degrés de hauteur. Vous imaginez, tendez le bras, ouvrez la main, vous voyez votre auriculaire qui touche l'horizon, et bien le pouce vous indique 20 degrés de hauteur. Donc c'est vraiment assez proche de l'horizon. Ça veut dire que on est dans une zone qui est touchée par la pollution lumineuse, qui est touché par la pollution atmosphérique et la qualité des images n'est pas au top. Alors que si vous glissez sur la sphère terrestre et que vous descendez vers les tropiques, vers l'équateur, eh bien, par contrarié, Mars monte vers le zénith et on a cette belle opposition qui se produit au zénith. Et c'est pareil pour l'éclipse de Lune d'ailleurs, puisque la Lune sera dans la même région que Mars au moment de son éclipse et elle sera donc à 20-25 degrés au-dessus de l'horizon. Alors c'est moins gênant pour l'éclipse de Lune parce que la Lune c'est gros, c'est brillant, donc on la voit bien. Si vous avez la chance d'être un peu plus au sud sur la planète Terre au moment de l'opposition de Mars et de l'éclipse de Lune, vous verrez encore mieux les phénomènes. Mais bon, cela dit, on les voit quand même, on les verra quand même correctement chez nous. C'est-à-dire qu'en Europe, la Lune ne sortira qu'à partir du moment où l'éclipse sera terminée de moitié, c'est ça, si j'ai à peu près compris. En France métropolitaine, si vous êtes du côté de Nice, la Lune va se lever juste avant d'être entièrement dans l'ombre de la Terre, donc juste avant ce qu'on appelle la phase de totalité. Par contre, si vous êtes à Quimper, eh bien, quand la Lune se lèvera, elle sera déjà éclipsée. Elle sera déjà dans l'ombre de la Terre. Donc, vous aurez raté un petit peu du phénomène. D'accord? Donc, ça veut dire que l'éclipse de Lune va se produire durant le crépuscule, dans une période où le fond du ciel ne sera pas encore très noir, et donc les couleurs, les images ne seront pas aussi contrastées que lors de la dernière éclipse de Lune que l'on avait pu voir en septembre 2015, où là, l'éclipse se produisait en pleine nuit, la Lune était au plus haut de sa trajectoire dans le ciel, et donc le ciel était noir autour de l'éclipse de Lune, et c'était peut-être plus intense au niveau des colorations. Là, on va avoir un fond de ciel encore légèrement coloré, ça sera certainement très très beau, très spectaculaire, mais différent. Un mot également, parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'observation de l'espace profond. C'est vrai que quand on pense à l'espace profond, on pense à ces photos extrêmement spectaculaires de nébuleuses multicolores. On pense à plein de choses comme ça qui sont effectivement très très visuelles, très graphiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vraiment en apercevoir en pratique d'astronomie amateur, Jean-Louis Darlot? Est-ce qu'on peut avoir accès à ces images, même pourquoi pas voir la galaxie d'Andromède de façon assez détaillée, ou est-ce que... Alors, tout ça est beaucoup... La galaxie d'Andromède, là je vous conseille les jumelles. Avec un télescope, on verra rien de mieux, parce que la galaxie d'Andromède, on la voit à l'œil nu. Elle s'étend sur une grande partie du ciel, elle est quand même plusieurs degrés, elle est quand même très grande. On ne voit que le centre à l'œil nu, mais avec une paire de jumelles, c'est splendide. Par contre, les autres galaxies, là, il vous faudra un petit télescope. Et ce ne sera pas facile, parce que les galaxies, c'est quelque chose de très ténu, c'est des milliards d'étoiles, mais qui sont très loin, et donc qui sont très très faibles. Alors, il vaut mieux prendre des photos, c'est vrai. Alors, ce qui est, si vous avez un télescope quand même suffisamment puissant, pas un petit télescope, mais au moins 30 ou 40 centimètres, vous avez des chances de voir quelques galaxies. Ce qui est intéressant, c'est de les observer avec un oculaire et de regarder la photo qu'on peut avoir à côté et de comparer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va la reconnaître. Si on ne l'a jamais vue, on va avoir une petite tache floue, on va dire « oh là là, je ne vois pas grand-chose ». Mais si on a la photo à côté, on va reconnaître les formes de la galaxie. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire. Guillaume Canassa, c'est sur les galaxies. Je parlais des nébuleuses, on pense à la nébuleuse du Crabe, ou au pied de la Création. C'est totalement inaccessible à l'astronomie amateur, ça ? Alors, dans les instruments de base, oui, c'est inaccessible. Ça reste des toutes petits points, des toutes petites taches grisâtres qu'on distingue à peine. En revanche, il y a maintenant en France, dans le monde, parmi les astronomes amateurs, des télescopes de plus en plus grands. En France, il y a des télescopes de 1 mètre, des amateurs qui ont des télescopes de 1 mètre de diamètre, c'est-à-dire la même taille que certains télescopes professionnels qu'on trouve dans les observatoires au Pic du Midi ou à l'Observatoire de Haute-Provence. Et avec ce genre d'instrument, là, en revanche, on peut parfaitement voir, j'ai encore fait récemment des observations de la nébuleuse du Crabe, où on voit parfaitement les filaments à l'intérieur de la nébulosité, et on les distingue, mais clairement. Et certaines nébuleuses, comme la nébuleuse d'Andromède, la très grande nébuleuse la nébuleuse d'Orion, sont parfaitement visibles, sont même, dans ces instruments-là, presque éblouissantes, et on parvient même à percevoir quelques colorations, ce qui est très rare en astronomie, d'avoir des observations avec de la couleur. Donc, encore une fois, il faut voir le type d'instrument, là. Dans les instruments d'entrée de gamme de 60, 80, 100 mm de diamètre, effectivement, les objets du ciel profond sont très difficiles à voir et très petits. Pour vraiment obtenir quelque chose de satisfaisant, il faut monter en puissance, comme le disait Jean Darlot, et avoir des instruments de 30 à 40 cm de diamètre au minimum. Oui. Et alors, pour conclure, on a quelques minutes qui nous restent sur les liens qui peuvent se tisser entre les astronomes amateurs et les astronomes professionnels. On a beaucoup entendu parler, et on a beaucoup parlé à ce micro-là, des sciences participatives et de la façon dont les pratiques amateurs, et pas uniquement d'astronomie, pouvaient contribuer à une meilleure connaissance, que ce soit en biodiversité, que ce soit en astronomie. Aujourd'hui, vous, Jean-Louis Darlot, vous avez travaillé sur l'observation des éclipses et des occultations des satellites galiléens de Jupiter, et vous avez utilisé des données qui étaient produites par des astronomes amateurs. Tout à fait. Alors, il faut dire que les éclipses et les éclipses mutuelles entre les satellites de Jupiter, les satellites de Jupiter, ils sont très brillants. Si Jupiter ne nous éblouissait pas à côté des satellites galiléens, on les verrait à l'œil nu. On ne les voit pas, tout simplement, parce que Jupiter est très brillant. Avec une paire de jumelles, on peut les voir, et avec un tout petit télescope, on les voit très bien. Donc, ils ont des phénomènes. Et tout à l'heure, on a dit quelque chose d'important. On a dit, on peut pas voir Mars, faudra aller vers l'hémisphère sud. Effectivement, on ne voit pas tous les objets de partout en même temps. Alors, quand on a des phénomènes que l'on veut observer, par exemple autour de Jupiter, tout le monde ne voit pas Jupiter de la même façon en même temps. Donc, on est obligé de faire des collaborations à travers le monde entier, à toutes les longitudes et toutes les latitudes. Or, où trouve-t-on des astronomes en grand nombre partout ? Eh bien, c'est tout simplement les astronomes amateurs. Alors, quand on a des objets comme les satellites galiléens de Jupiter qui sont très brillants, on peut mobiliser tous les astronomes amateurs dans le monde, et on a actuellement, j'ai environ une soixantaine de sites dans le monde d'astronomes amateurs qui sont prêts à observer dès qu'on leur dit qu'il y a quelque chose d'important à observer. C'est-à-dire que concrètement, vous leur demandez quoi ? D'observer quoi, de regarder quoi. Maintenant, ils ont des petites caméras très simples, donc ils enregistrent un phénomène qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Alors on leur donne des protocoles à respecter extrêmement rigoureux, d'utiliser une vraie méthode scientifique, c'est le cas de le dire. Et à partir de là, on peut réutiliser leurs données. Donc on va rassembler les données dans un laboratoire français, et puis on va utiliser ça pour faire avancer la science. Donc les amateurs peuvent contribuer, à condition qu'ils suivent des protocoles très, très rigoureux pour avoir des données qu'on peut analyser après d'une manière très fine. Guillaume Cana, sur ces liens entre astronomie amateur et astronomie professionnelle ? Je souscris entièrement, et effectivement, je dirais pas de plus en plus, mais il y a beaucoup d'astronomes amateurs, de plusieurs centaines en France, qui participent comme ça à des collaborations avec les professionnels. Et il y a d'ailleurs prochainement, je crois, un grand rassemblement qui mettra en évidence toutes ces collaborations. Et ça va vraiment dans des domaines très très pointus. Je connais des personnes qui, en tant qu'amateurs, font de la spectroscopie sur des étoiles d'un type particulier. Il y a même récemment eu une publication dans une revue scientifique dans laquelle sont cités comme auteurs adjoints des astronomes amateurs français, parce que les spectres qu'ils ont réussi à faire avec leur instrument dans leur jardin régulièrement et en suivant, comme le disait Jean Darlot, une méthode rigoureuse, ont pu être utilisés par des astronomes professionnels pour démontrer le comportement de tel ou tel type d'étoile. Donc oui, il y a vraiment des collaborations multiples. Alors elles ne sont pas organisées de façon globale, etc. C'est un peu au coup par coup et c'est un peu en fonction des relations de chaque astronome professionnel avec le milieu des astronomes amateurs ou non. Mais oui, c'est clair que les astronomes amateurs ont une chance. Oui, il y en a une chance extrême. C'est qu'ils sont nombreux et c'est qu'ils ont du temps. Parce que malheureusement, les astronomes professionnels en disposent de moins en moins sur les grands télescopes, parce qu'il y a une pression terrible pour utiliser les grands télescopes. Alors, les astronomes amateurs ont des télescopes plus petits, mais ils peuvent les utiliser vraiment quand ils veulent, pour peu que la météo soit bonne. Et ils sont répartis, comme le disait Jean Darlot, sur toute la planète. Donc, ça permet vraiment d'avoir un suivi continu de certains phénomènes. Alors, on peut signaler une dernière chose, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir une réunion des astronomes français à Bordeaux et une session va être consacrée aux collaborations entre les amateurs et les professionnels. On va expliquer toutes les campagnes qui existent en ce moment et qui font participer les astronomes amateurs à ces campagnes. Voilà, et on va vous mettre évidemment le lien vers cet événement, vers ce colloque à Bordeaux d'astronomie professionnelle et amateur sur le fil Twitter de l'émission. Il nous reste quelques minutes avant que cette émission ne touche à sa fin. Peut-être un dernier conseil que vous aimeriez donner aujourd'hui à nos auditeurs qui sont séduits, qui ont envie de profiter de cet été pour aller regarder le ciel. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Que faire? Je ne sais pas. Vos derniers conseils comme ça, un peu carte blanche, libre. Commencez par Jean-Yves Darleux, à vous. Je pense qu'il faut se rapprocher d'un club d'astronomes amateurs. Il ne faut pas dire, je vais acheter une petite lunette pour voir le ciel. Non, il faut chercher quelqu'un qui a l'habitude, chercher un club d'astronomes amateurs, y aller avec ses enfants et regarder dans une lunette. Regarder à l'œil quelque chose qu'il y a dans le ciel. Regarder Saturne et voir les anneaux. Regarder Jupiter avec ses satellites autour. Regarder des étoiles ensemble dans un club d'astronomes amateurs. Et je pense que là, c'est vraiment des choses spectaculaires que l'on peut voir. Donc, premier conseil, d'abord, ne pas faire ça tout seul dans son coin, mais faire ça dans le cadre d'un club d'astronomie. Votre conseil à vous, Guillaume Cana? Alors, j'aurais le même conseil et puis j'étendrai en disant qu'il faut profiter de la chance que nous avons en France métropolitaine d'avoir certaines régions qui sont encore correctement protégé de la pollution lumineuse. Il y a de la pollution lumineuse partout, mais il y a certaines régions qui en connaissent beaucoup moins les conséquences néfastes. Et je pense notamment à la région des Cévennes, qui va recevoir cet été, normalement, le label de réserve internationale de ciel étoilé, qui est un label international. Il n'y a qu'une douzaine de réserves internationales de ciel étoilé dans le monde. Il y en a une autour de l'Observatoire du Pic du Midi depuis 2013, et il devrait y en avoir donc une seconde, officiellement, à partir du mois d'août de cette année, donc dans quelques semaines. Et je pense que ce territoire, il est facile d'accès. C'est un endroit où il va y avoir, il y a déjà depuis quelques années, une politique de rénovation complète de l'éclairage urbain pour diminuer justement l'intensité et le nombre des lampadaires et faire en sorte que le ciel acquiert et retrouve une noirceur la plus disponible, possible pour l'observation. Et c'est vraiment facile d'accès et ça permet vraiment de redécouvrir le ciel facilement. Et sur place, on peut, comme le disait Jean Edarlot, aller dans des rassemblements et observer le ciel avec un instrument ou simplement se mettre un peu en retrait et regarder le ciel avec une noirceur à laquelle on n'est plus du tout habitué. Et bien voilà, les deux conseils du jour. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus nous parler de cette pratique de l'astronomie amateur. Merci Jean-Edarlot, merci Guillaume Canat. Je rappelle votre guide du ciel, 24e édition, juin 2018, juin 2019 et Le ciel à l'œil nu. C'est la 16e édition, tous les deux publiés chez AMDS Éditions. Et également votre blog Autour du ciel qui est sur le site du Monde. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Sarah Ijman, Céline Lozède, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc et Vétienne Elisabeth Miro aujourd'hui à la réalisation et à la technique, YouTube Diego Aclopez. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, eh bien c'est la série documentaire, le deuxième épisode de la série documentaire consacrée au génie des bébés par Nejma Bouakra et Franck Lilin. Tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, Hervé Gardette demandera à ses invités du Grain à Moudre, peut-on se passer de diplôme? Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous irons consulter Madame Irma 3.0, ou plus exactement les algorithmes prédictifs. Comment des programmes anticipent aujourd'hui le déroulé des événements pour prévoir le futur proche? Ça donne un peu froid dans le dos, on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.